Salut. Hier j'ai enregistré ce qu'on peut dire l'épisode 1 de ce qui m'est arrivé le 3 août. Pour le petit rappel, il m'est arrivé quelques bricoles dans la journée, une histoire de klaxon, une histoire de chien enragé qui m'a sauté dessus, puis une mauvaise rencontre, quelqu'un qui m'invite à passer la soirée chez lui, qui invite des potes, et ils ont essayé de me voler ma caméra, mon enceinte, et ils m'ont soutiré 200 balles, 200 télé qui fait 36 euros. Et j'en étais à... je m'échappe de la maison en courant. Donc pendant ce temps-là, il y a un truc que j'ai pas dit hier, mais quand je me suis rendu compte qu'il m'avait volé la caméra, j'étais avec ma copine Manon au téléphone. Et j'ai raccroché au moment où les mecs commençaient à s'énerver. Donc elle était en panique de l'autre côté à Paris. Et donc j'arrive au bar. Un mec qui parle anglais m'aide. Et appelle la police. La police arrive au même moment. Manon, n'arrivant pas à m'appeler via WhatsApp, via le réseau internet, m'appelle via le réseau normal. Et au même moment où la police arrive, donc j'ai même pas eu le temps de dire bonjour à la police, que j'ai décroché mon téléphone tellement c'était important pour moi, je me sentais comme rassuré d'avoir quelqu'un qui me confiait à dire que tout allait bien. Donc, et là j'ai un peu fondu en larmes. Toute la pression qui retombe, la police qui arrive, Manon qui m'appelle. Là j'ai complètement craqué, là j'ai pleuré. Bref, la police arrive, on retourne chez le mec. Il y a discussion en turc, je comprends rien. Et la police me dit prends toutes tes affaires. Donc je récupère mon vélo, il y avait encore toutes mes affaires dans la chambre du mec, dans laquelle j'étais même pas rentré. Donc il avait tout balancé un peu n'importe où. D'ailleurs aujourd'hui, on est deux jours plus tard, ou trois jours, et je me suis rendu compte qu'en fait j'y avais oublié mes tongs et mes lunettes de soleil. Donc là je roule sans lunettes de soleil. Ce qui est un peu chiant, particulièrement en descente, parce que l'air qui vient dans tes yeux. J'ai toujours trop peur qu'il y ait une bête. Et ça fait super mal. Ce matin, j'ai battu mon record de vitesse. J'étais à 68 km/h, mais sans lunettes. J'ai trop peur, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une petite bête dans l'œil. Et en fait, ça te fait perdre tout ton équilibre, parce que tu peux plus ouvrir les yeux. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc nous voilà partis au poste. La police demande de les suivre en vélo, parce qu'on peut pas mettre la vélo dans le camion. Et la police était à 1 km, pas plus. Donc le Haïdar monte dans le coffre. Et moi je les suis en vélo. Et là Haïdar se défend. Donc tout était en turc, moi je pouvais pas trop réagir, j'ai essayé de réagir. Mais bon, je sais pas ce qu'il se racontait, mais en tout cas, ça a duré 2-3 heures. Ils lui ont fait signer une déposition à Haïdar. Et moi en fait je suis resté là à attendre. Donc c'était un peu horrible parce que j'avais 5 flics plus Haïdar qui parlait en turc et moi j'étais tout seul. J'essayais de lever la main pour expliquer mais il m'écoutait pas. Bref, la déposition signée, ça se calme un peu. Je demande une clope, j'avais besoin de fumer une clope. Ils me font manger un truc à 1h du mat. Je fume un coup, je vois Haïdar qui sort. Haïdar qui tout le long essayait de me dire des trucs gentils. Ouais. Au début j'acceptais ses phrases gentilles, puis à la fin je lui ai dit ta gueule. Dès qu'il me parlait, je lui ai dit tais-toi. Je faisais comprendre qu'il fallait qu'il se teste parce que je pouvais plus l'encadrer. Et bref, moi je reste au poste et Haïdar, lui, ils l'ont laissé rentrer chez lui. Là, il y a un flic qui m'explique que j'ai pas le droit de dormir au poste, c'est interdit. Je me dis, bah pardon, il y a votre collègue déjà qui m'a dit que je pouvais dormir, que je pouvais passer la nuit ici. Il me fait, oui, tu peux rester ici, mais t'as pas le droit de dormir. Pas par terre. Donc. Après, au bout d'un moment, il me dit, bon, prends 3 chaises, puis allonge-toi. Donc moi, je suis allé chercher mon petit oreiller gonflable, puis je me suis mis par terre. Et en fait, il m'a réveillé. Il m'a réveillé à 4h du mat. Martine, interdit de dormir par terre. tu dors sur les chaises. Donc je me suis vraiment déplacé de 20 cm, je me suis mis sur trois chaises inconfortables pour pas avoir à dormir par terre. Enfin le mec, s'il était content d'être un petit peu le cow-boy, j'en sais rien, à m'empêcher de dormir par terre pour dormir sur trois chaises, moi je trouvais ça un peu ridicule, mais bon, j'ai accepté. À 7h j'étais réveillé, en fait j'ai dormi, allez, 1h30, 2h, assez mal. On m'explique qu'il y a un interprète qui arrive à 9h, à 1h de route d'ici. Au final, il était pas mal dans les trafics. En fait, il est venu en bus, un interprète français. Et je le vois arriver, débarquer à 11h. Donc là, il me dit bonjour, avec un accent parfaitement français. Enfin, donc ça faisait plaisir de pouvoir parler français. Et là, nous voilà partis dans le bureau d'un agent de police et l'interprète qui traduit tout ce que je dis, donc on me demande de tout raconter deux fois, une fois, puis je re-raconte pour que l'agent de police puisse noter, hein. comme les clichés de la police française, tu sais, il tapait avec deux doigts, ça avançait pas, mais bon, c'était assez pro parce qu'il me demandait tout en détail, il notait tous les petits détails et tout, c'était assez bien, c'était bien fait. L'interprète était génial, il était drôle. Et en fait, au fur et à mesure que je racontais, ils ont un peu halluciné la gravité du truc en fait. Ils n'avaient pas compris parce qu'hier, il y avait que, enfin la veille, il n'y a que Haïdar qui avait pu s'expliquer, donc forcément lui, il a rien dit quoi. Enfin, il s'est défendu, donc ils ont dû se dire ouais, le petit français il a un peu trop fait. Et là, ils ont vraiment, je les voyais grossir des yeux. Au fur et à mesure que je racontais l'histoire de l'enceinte volée dans le scooter, des 200 euros. Donc voilà, je finis ma déposition et là, ils le font lire à quelqu'un et dans les moins de 30 minutes, il y a une voiture de flic qui part et dans les moins de 30 minutes, il y a Haïdar qui arrive. En fait, il était en tenue de peintre, ils sont allés chercher directement au boulot et il était dans les bureaux et il s'est fait dégommer. Dégommé. Ouais, j'entendais, c'était pas fun. Et en fait, ils lui ont dit, l'interprète essayait d'entendre de loin, il me disait, ils sont en train de lui dire, soit tu balances tes potes, parce que Haïdar, il avait mytho sur le fait qu'il y avait des potes, il disait que c'était des mecs qu'il connaissait pas. Donc Haïdar a dit, soit tu les balances, soit ce soir t'es en Afghanistan. Merhaba! Hello! Soit ce soir t'es en Afghanistan. Donc, alors attendez, il y a des petits groupes de travailleurs là. Ça fait bizarre, je parle tout seul. Donc, je vais. Voilà. Le mec il fait la circulation, il y a un camion en train de la route. Il arrête les bagnoles pour leur dire attention, il y a un camion qui est là. Bref, ouais, donc, Haïdar, plutôt chaud, il dit rien. Je crois qu'il balance pas ses potes. Donc là, il y a le chef de la police, pas l'agent qui m'a pris la déposition, mais le chef. Il me dit, Martin, viens, on monte dans la voiture avec l'interprète. Et là, on est retourné sur les lieux de là où ils m'ont demandé de l'argent pour acheter des bières. Ils se sont dit, s'il y a une caméra dans ce boui-boui là, on va pouvoir reconnaître les deux mecs. Donc là, on était parti en fait, eux tout ce qu'ils voulaient, il était 16h, tout ce qu'ils voulaient, c'était trouver qui étaient les deux mecs. On était peut-être 15h, enfin bon, peu importe. Et on va au truc de bière, il y a une caméra mais elle marche pas. Et donc là, il me ramène au tout début de ma soirée quand j'ai rencontré le mec. Et là, on refait tout le trajet. Depuis la première bière que j'ai pris avec le mec et tout le trajet inverse, là on a rencontré le leader, le mec qui lead le truc, qui le fout quoi. Et donc une fois qu'on avait fait tout le chemin inverse, on l'a remonté en bagnole et on s'est arrêté à toutes les échoppes qui avaient des caméras. Et la première échoppe marche pas, deuxième échoppe voilà, et on a trouvé un hall d'immeuble, enfin un immeuble avec des caméras, donc on y va. Et là, comme dans les films quoi, le mec Le flic lui dit, bon, tu me remontes les caméras hier à 19h, mais tu les laisses tourner, il faut qu'on trouve un mec. Donc là, on les laisse tourner, de 19h, un peu en accéléré quand même. Et là, à 19h36 sur l'écran, je vois un mec passer, donc je crie, je dis, ouais, c'est lui. J'ai reconnu son t-shirt, en fait, mais il marchait de dos, donc impossible de le reconnaître. J'ai reconnu son t-shirt, son jean, et il marchait en tombe. Et en fait, c'était juste un quart d'heure avant que nous, on le rencontre dans la rue et qu'il vienne avec nous. Donc on se barre de cet immeuble. Et de ce truc d'immeuble pour trouver une autre caméra qui aurait pu le filmer de face. Et en fait, on se barre, on va dans un magasin de moto qui avait une caméra. On prend un petit chai, forcément. Et là... Il y a l'agent de sécu de l'immeuble d'où on venait et qui rappelle, il fait ah, vous n'êtes pas resté assez longtemps. Il a fait demi-tour, on voit sa tête sur les caméras, je sais qui c'est. Youhou. En deux secondes, le flic, je sais pas comment ils ont su qui c'était, mais ça allait tellement vite. Il me montre des photos sur Facebook et là moi j'ai un gros doute. Je le reconnais pas le mec, en fait sur ces photos, il avait les cheveux longs alors que moi en vrai il avait les cheveux courts. Il avait une houppette teinte en blonde de merde. Non, pardon. Pas de jugement. Merhaba. Et petite houppette. Et je le reconnais pas. Bref. T'es sûr? Je suis vraiment pas sûr, mais je dirais 60% oui. Quand même, il y a quand même un gros 40% non. Ah bon. De toute façon, ils vont le chercher. Donc là, nous voilà remontés dans la voiture. Et là, on va chez son habitation, enfin ses parents. Pas là, on voit son frère, il me dit ouais, il habite là-bas. Et là, on va chez lui. Il était pas là non plus, donc c'est son petit-fils d'un an là qui répond avec sa mère. Pas là. Donc là, on retourne au poste et il appelle son père. Donc c'était trop marrant quand même, parce qu'on a fait quand même juste les. Le fait de regarder dans plein d'écrans, changer les caméras, ça faisait vraiment un truc de film quoi. De toute façon, toute cette histoire, c'est un truc de film. Moi qui me fais séquestrer, qui sort, qui arrête les bagnoles, j'appelle la police, le lendemain on fait l'enquête pour savoir qui c'est, parce que l'autre veut pas dénoncer ses potes. Enfin, c'est, voilà. Donc on retourne à la police. Pendant ce temps-là, le chef de la police appelle le père du mec, il lui dit « On a un problème avec ton fils. » Trouve-le-moi et ramène-le-moi dans l'heure. Au bout de 30 minutes, il était dans les bureaux. Et voilà. Donc là, ils me font Martin, viens voir. Ils me font rentrer dans le bureau. Et là, je vois non pas... Enfin, je vois donc le leader plus l'autre. Le gentil qui m'avait rendu mon enceinte. Et il me dit, c'est eux. Je dis, ouais, c'est eux. Putain. Klaxon de merde. Les mecs, on leur donne un klaxon. Ils se sentent obligés de s'en servir, quoi. Et là, je sentais qu'il faisait un petit peu encore le bonhomme, le mec. Ah, donc je retourne dans ma salle où j'étais, où je discutais avec l'interprète. Interprète qui arrêtait pas de me sortir des... Bites dans le cul, on les a sodomes, on les a bien sodomisés. Le mec avait 49 ans, je crois. Il était absolument génial, quoi. Un mec des Yvelines, bien coiffé, gomina, en arrière, là, les cheveux gominés en arrière, le polo, col remonté, petite chaînette. Ouais, je voyais bien le... c'est qu'il sentait très bon. Je sais pas, il était absolument génial. Le cliché du nouveau riche, un peu. Il était excellent, il arrêtait pas de répéter bite dans le cul. Et alors j'explose de rire, il me fait ouais, j'adore cette expression. Donc pour lui, en fait, c'était une expression. Je dis ah, c'est Baudelaire ça. Il me fait ouais, c'est Baudelaire. Donc je retourne dans la petite salle pour retourner avec mon interprète. On discute de tout, de rien. Il me raconte des histoires un peu de fous qui sont passées dans sa vie. Et Et là, il y a l'autre là qui s'était fait un peu atomiser. Il revient, il va aux toilettes, il me regarde, il me fait « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Donc, je dois interpréter en turc, je demande à l'interprète ce qu'il a dit. Il me dit « Ouais, il vient de te demander ah, qu'est-ce que t'as fait, c'est dommage, tu vois. » Et je le regarde, et je parle à l'interprète, je lui dis « Mais regarde, il a l'air stupide. » Là, je perds un peu mon sang-froid, là, je suis en mode jugement. Voilà, j'ai... Le mec continuait à faire son bonhomme, quoi. Et... Il s'est repris une chasse derrière, et là il est revenu dans la salle. Ah bah là il c'était plus le même. Il s'est mis à chialer, il est venu me voir, il s'est approché de moi, je lui ai dit mais dégage, j'ai gueulé, j'ai fait tu me touches même pas. Donc l'interprète traduisait tout. Donc là il s'éloigne, il fait le tour de la table, il va se mettre accroupi vers l'interprète, et là il pleurait à saut de larmes. Ah bah le bonhomme d'hier, c'était tout à coup plus le même. On venait de lui dire en fait que... On venait de lui annoncer... Je pense qu'on lui avait lu ma déposition. On lui venait de lui annoncer que c'était grave. Et qu'il risquait 15 ans de prison ferme. Et des amendes, je sais plus. Donc en fait il a complètement stressé. Et là il s'est dit... Donc là il est arrivé à l'interprète, il s'est mis à genoux en chialant. En me regardant du coin de l'œil, et il m'a supplié en fait. Il m'a supplié, il me dit j'ai des gamins, j'ai un petit, je risque 15 ans de prison, je suis désolé, nanana, faut que tu retires ta plainte. Et là, moi j'ai pas fait durer le suspense. Je lui ai dit, donc j'ai demandé à l'interprète de traduire tout ce que j'allais dire. Je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais c'était assez. Dans la sagesse, enfin, je pense, la première phrase c'était, je lui ai dit, écoute, je veux que la prochaine fois, je veux que dans le futur, pardon, tu réfléchisses un peu plus avant d'agir, au lieu d'agir comme un loustique pour faire ton, pour avoir du pouvoir. Et là, je lui ai dit direct, je vais retirer ma plainte, mais j'espère que simplement que ça te rendra plus sage et que. Et que tu t'agiras pas comme ça. Je lui ai dit que moi aussi j'avais une famille. Moi aussi j'ai eu extrêmement peur hier. Et c'était la plus grande peur de ma vie. Que... Donc là il traduisait tout, il était désolé. Il me regardait, je suis désolé. Il essayait de parler, je lui disais non tais-toi. Donc l'interprète disait tais-toi. J'avais besoin de parler, j'avais besoin de dire des trucs. Et ouais, je lui ai dit, tu sais, moi je suis un. Français qui voyage, je suis tout seul en Turquie, au fin fond, au milieu de nulle part, et rends-toi bien compte que se faire agresser par comme tu l'as fait hier, ça fait vraiment flipper. Voilà, donc il s'est un peu il était désolé, mais bon. Et ensuite, donc je lui ai dit que je retirais ma plainte, alors là. Allahu Akbar, il s'est mis à prier quoi. Il était tout content. Mais après, l'interprète il disait bute dans le cul, de toute façon le procureur il va reprendre l'affaire. Même si tu reprends pas, même si tu retires ta plainte, je peux te dire qu'ils vont pas le laisser, bute dans le cul. Il arrêtait pas de répéter. Il était génial. Il était drôle. Et moi j'étais là, non mais moi je veux pas de soucis. Faut les laisser tranquilles. Je crois qu'il a compris. Ça, c'est son erreur. Je lui pardonne quoi. Bref, et là, on continue les scènes de film. 10 minutes après, Martin vient voir. Il me faut monter dans un bureau avec une vitre sans teint. Génial. Et là, il y avait 6 mecs. Je sais pas où ils les ont trouvés. 6 mecs, 6 jeunes, à peu près tous les mêmes profils. Et tous des numéros au cou. Et là, ils m'ont dit, bon Martin, dis-nous les deux numéros des deux mecs qui t'ont agressé hier. Je dis 2 et 6, c'était numéro 2 et numéro 6. Ils me font merci. Ils ont pris une photo des mecs contre le mur. Voilà. Et je suis redescendu. J'ai retiré ma plainte. Le policier comprenait pas bien, il m'a demandé pourquoi. Voilà. Et puis ouais, dernière chose. Ce que je leur ai dit plusieurs fois, mais c'est pas une question d'argent, je m'en fous. Les 200 balles, ils les gardent, mais je veux juste qu'ils les retrouvent. Qu'on retrouve les mecs pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Et donc là, l'interprète qui me dit « Bon, tu t'en fous de l'argent, tu veux récupérer, tu t'en fous. Hein. » Je lui dis « Bah non, tant qu'à faire, si je peux les récupérer, qu'il me les redonne, quoi, s'il les a sur lui, il est à côté. » Et ouais, il les a pas sur lui, ça le faisait un peu chier, l'interprète, il avait envie de rentrer chez lui, je crois. Parce qu'il était quand même 19h, il habite à 1h d'ici, en bus. Je lui dis « Non, mais écoute, vas-y. » Et enfin bref, il est pas parti du coup, il a fait le job. Il leur a dit « Rendez-lui les 200. » Et là, ils ont commencé à dire « Ouais, mais si on donne les 200, ça veut dire qu'on accepte. » Les mecs, ils sont... C'est des malins quand même. « Ouais, mais si on donne les 200, ça veut dire qu'on avoue ce qu'on a fait. » Bah ouais, mon gars. À un moment, prends un peu tes couilles entre tes mains et puis... Vas-y. Ah, ils sont allés retirer les 200. Il revient 10 minutes plus tard avec 200 qui me tend. Et l'interprète, je prends les 200. Et l'interprète, il me fait « Compte tes billets, compte tes billets !» Je les compte, il y avait bien 200. Et puis voilà, j'ai fait mes affaires. Et là, j'ai commencé à dire « Bon, il faut que j'y aille. Moi, j'ai un champ à trouver pour dormir ce soir. » Et là, hop, oh, chef de la police. T'inquiète, ce soir, c'est pour moi. Tu dors à l'hôtel et t'as rien à payer. Oh, je sais pas comment il a fait. Il a appelé son pote qui était en vacances, qui a appelé son employé. Et voilà. Me voilà embarqué dans la voiture de police, en direction de l'hôtel, où le mec s'est occupé de moi à merveille. Et genre, j'ai voulu acheter un paquet de clopes. J'avais besoin de décompresser. Et le mec m'a accompagné de l'hôtel, au cas où. Genre... Et ensuite, le flic m'emmène au resto. On choisit un peu un resto au hasard. Et là, j'étais avec le chef de la police dans la rue. Et genre, il était connu, le chef de la police, à mon avis, parce que... Parce que... Tout le monde me regardait. Genre, le petit blond avec le chef de la police, là. Là, on rentre dans un resto et... Il lui baragouine trois trucs en turc. Ouah, j'ai tous les employés qui m'ont sauté dessus. Ils m'ont tiré la chaise, ils m'ont donné quatre verres d'eau. Ils m'ont demandé ce que je voulais, j'ai dit ça et ça. Boum, en deux secondes, c'était sur ma table. Ils me ramenaient des tomates, des machins. Et je pars et... Enfin, je pars. Je me lève, je finis de manger. Parce qu'il y a le chef de la police qui m'attendait dehors encore pour m'emmener... Pour me ramener à l'hôtel. Et je dis, bah, combien je vous dois? Il me dit, non, popo, tu payes pas ce soir. Moi, j'hallucine, quoi. On me sort le grand jeu. Je pense qu'ils avaient un peu envie de se rattraper. Je sais pas. Genre, regarde, les Turcs, on est des bons, quoi. Mais en effet, c'est des bons. Et voilà. Voilà la fin de l'histoire. On a retrouvé les loustiques. Et tout est bien qui finit bien, parce que en termes d'émotion, si je devais parler d'émotion, là, je suis un peu passé par tous les états. Perte de sang-froid avec les klaxons, réflexe, émotion instinctive en prenant ce caillou pour jeter sur le chien, et émotion de la peur avec l'agression. Je suis passé un peu par tous les états. Émotion de doute aussi, parce que pour la première fois, quand je me suis fait agresser, là, bah, une fois que j'étais avec la police, là, j'étais en pleine réflexion. Enfin, bon, c'était trop tôt pour en parler, enfin, pour penser à ça, mais bon, ça venait naturellement. J'étais là, mais est-ce que je continue? Est-ce que je me sens vraiment en sécurité? Est-ce que. Voilà, à ce moment-là, quoi, dans la nuit, gros moment de doute, quoi. Et j'avais une peur bleue qui me fasse sortir de la police à 11h sans que j'aie pu m'expliquer. Être tout seul dans la nature, et en fait, pas du tout, le fait qu'ils soient occupés de tout, qu'ils soient bien occupés de moi. Ils ont retrouvé les loustiques dans la journée, ils les ont dégommés dans la journée. Le fait que tout ça se soit passé, en fait, moi, ça a permis de conclure l'histoire de manière définitive. Et ce qui me permet maintenant aujourd'hui de... Putain, cette montée est infinie encore. Et ouais, tout ça, ça me permet de, maintenant d'aller de l'avant et d'avoir envie de repartir. Alors que ce qui n'était pas le cas le matin en me réveillant au poste de police. Le soir même, je me suis dit, putain, là j'ai envie de repartir. Faut pas que... C'est pas parce que je suis tombé sur les trois mauvaises personnes du coin que tout le monde est comme ça, bien sûr que non. Les gens sont assez gentils ici. Je dois dire que j'ai un peu de mal parfois. Ils ont une espèce de barrière un peu qui est tendue, mais qui est parfois difficile à dépasser dans les débuts de discussion. Une fois que tu as réussi à casser cette espèce de barrière de peur, ouais, là ça va. Et ouais, là ça fait 2 jours que ça s'est passé, enfin, j'ai pu passer une journée hier, beaucoup de réflexions, de doutes sur mon vélo, je partais, mon inconscient partait dans des trucs un peu bâtards du genre, vous savez, quand il s'est passé quelque chose... On ressasse et on se dit, ah, j'aurais dû dire ça, j'ai pas arrêté de me dire, putain, mais mon pote, si tu pries Allah 5 fois par jour et que ça te rend si con et que si t'es si peu sage, je sais pas, essaie de revoir les bases, quoi. Je sais pas, dis-toi que Allah, il te voit à travers les yeux de ton fils et faut que tu rendes ton fils fier pour que Allah soit fier de toi, quoi. Parce que là, je pense que ton fils... Il m'a tellement supplié, en fait, parce qu'il avait un fils. C'est pour ça aussi que j'ai retiré ma plainte. Je lui ai dit, mais ton fils, il serait dégoûté de son père. À voir comment t'as traité un pauvre pèlerin, comme il m'a appelé. Donc, comme il m'a si bien appelé dans la soirée. Donc, là, fallait que... Ouais, bon, hier, j'ai... Ah, putain de montée, j'en peux plus, j'arrive plus à parler. Hier j'ai un peu ressassé, bon, je pense que ça va continuer un peu, mais ouais, petit sentiment parfois d'insécurité, de doute qui reviennent, mais bon, je suis content quand même. Là je suis content de repartir, et puis voilà. Bon, hier j'ai passé un peu une seule nuit, la nuit dernière, à la fois j'ai dormi longuement donc ça m'a fait du bien, mais avec beaucoup de peur parce que j'avais un putain de chien, enfin plusieurs après, qui sont venus aboyer et grogner pendant plus d'une heure auprès de ma tante. Moi, j'avais le cœur qui battait. Je flippais, quoi. S'ils me sautaient dessus et sur la tente, j'en sais rien. Mais bon, je sais qu'il faut pas bouger dans ces cas-là, donc je bouge pas. Mais ça fait quand même flipper. Un gros chien, à mon avis. Je l'ai pas vu. Mais... Donc voilà. Voilà. L'histoire est terminée, maintenant je vais de l'avant. Et puis on verra. Ça reste difficile à dire, mais une belle expérience de vie. C'est. Enfin, fallait que ça m'arrive un jour ou l'autre. Hein. De toute façon, je sais que pendant ce voyage je prends un peu des risques. Ça en fait partie. Voilà. Ça aurait tout aussi bien pu m'arriver en France. Donc. Bon, ça c'est bien terminé, donc tout va bien. Voilà. Allez, je crois que c'est bientôt la descente, je crois que je vois le bout. Je vais pouvoir m'amuser un peu. Ciao, ciao.